premier temps d'une histoire du Pacifique dans la fabrique de l'histoire, un immense espace géographique dont on a l'impression qu'il vient d'être récemment redécouvert par les historiens européens. Pour commencer, nous recevrons aujourd'hui Alexandre Riosbordes qui vient de soutenir, il y a 10 jours très exactement, sa thèse sur l'émergence de l'État secret aux États-Unis entre 1880 et la Seconde Guerre mondiale. Mais vous allez me dire, quel rapport entre l'émergence de l'État secret aux États-Unis entre la 1880 et la Seconde Guerre mondiale et le Pacifique ? Eh bien, nous verrons qu'il y en a un. Et puis, l'anthropologue Alban Binça viendra dans la seconde partie de l'émission nous dire la complexité de l'écriture de l'histoire en Nouvelle-Calédonie, son terrain de recherche entre anthropologie et histoire, justement. Et nous serons avec Anaïs Quin qui a préparé avec nous toute cette semaine. Bonjour à vous, Alexandre Riosbordes. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Donc, vous êtes tout frais sorti de votre thèse. Donc, vous avez ces 1000 pages que vous avez écrites en tête pour pouvoir nous en parler pendant une 20aine de minutes dans la fabrique de l'histoire. Une thèse que vous avez donc soutenue très récemment et qui est donc sous la direction de François Veil, avec un jury nombreux qui visiblement était satisfait de ce que vous lui proposiez. Une thèse entamée il y a déjà un peu longtemps, Alexandre Riosbordes. On pourrait dire que c'est une thèse ancien régime dans le nouveau régime, c'est-à-dire une thèse de 1000 pages, donc travaillée depuis combien de temps déjà ? Ouais, je suis nostalgique, donc j'ai fait une thèse à l'ancienne, en effet, une 10aine d'années de travail au total. Oui, ça n'est pas théoriquement, pas tout à fait autorisé par l'administration de l'université, mais c'est très bien et on vous en félicite parce que c'est une thèse très riche, en particulier par la multiplicité des points de vue que vous abordez. Alors, vous travaillez sur ce qu'on appelle l'État secret, avec un titre, un très beau titre d'ailleurs, que vous devez donc à un penseur français, philosophe. Les précurseurs sombres. Vous pouvez nous dire ce que veut dire ces précurseurs sombres ? L'idée des précurseurs sombres, c'est donc une sorte d'hommage à Gilles Deleuze, une très jolie citation où il explique que le monde, c'est le monde secret de manière invisible en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est le précurseur sombre avant que ne fulgure l'événement visible qu'est l'éclair. C'est le tracé des potentiels qui s'effectue entre le ciel et la terre. Et donc l'idée des précurseurs sombres, c'est de montrer que ce qu'on va appeler l'appareil de sécurité nationale américain, dont l'historiographie traditionnelle aux États-Unis place la naissance dans le contexte de guerre froide, une naissance très rapide, très brutale entre 40 et 50. C'est ça, dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, pour moi, en fait, a des racines, a une préhistoire immédiate qui se déroule entre la Première Guerre mondiale et la veille de la Seconde, et qu'en fait, à la veille de la Seconde, tout est en place, sinon l'échelle d'action qui changera après la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce terme d'État secret, vous le devez entre autres à quelqu'un qui était dans votre jury, Alain Deverpe, qui a travaillé sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on entend par État secret, justement, Alexandre Riosbordes. Alors, ce que moi j'entends par état secret, je vais faire les sciences sociales, ce que moi j'entends par état secret, ce sont ces espaces de l'État qui sont mis hors de vue du jugement public, hors de vue de la population, par un système de confidentialité qui crée des alvéoles dans l'État invisible, parce que confidentiel, qui donc, de ce fait, peuvent agir avec une autonomie structurelle et même radicale, libérée des contraintes habituelles qui pèsent sur l'action publique, et qui peut donc opérer des formes de rationalité de gouvernement qui sont autonomes et dans mon cas, qui est la forme maximale, illégitime, puisqu'il s'agit de surveiller sa population. Évidemment, on pense à tout ce qui s'est passé depuis la guerre du Golfe, depuis la guerre en Irak, à ces prisons secrètes, en particulier de la CIA, qui se sont développées dans pas mal de pays depuis ces événements-là. Mais vous nous dites, eh bien, tout ça, ce secret, cet état secret, cela naît il y a bien plus longtemps. Et ça n'est pas très éloigné de notre sujet, puisque ça naît dans un contexte particulier, au cœur du Pacifique, dans les années justement 1910, Alexandre Riosbordes. Oui, alors le lien avec le Pacifique, c'est que tout ça, une des racines de ce phénomène-là est à chercher dans les zones coloniales et dans l'expérience coloniale américaine. Il y a des travaux sur ces questions-là pour les États-Unis, pour la France, pour la Grande-Bretagne. Le contexte colonial est un contexte propice puisqu'il installe un rapport à la population où on assume le côté pastoral de l'État, où on va réprimer et on va surveiller une fois qu'on a réprimé ou avant de réprimer, entre les deux, on va surveiller de très près la population. Et donc les services de renseignement qui sont microscopiques aux États-Unis au tournant du siècle ont une première expérience de surveillance et de pratique de surveillance dans le contexte philippin. Dans le contexte philippin. Donc, ouais, dans ce contexte philippin et surtout de surveillance aussi de cette puissance montante au tout début du 19e siècle, du 20e siècle, qui est la puissance japonaise impériale. Et donc on a très peur de ce qui est en train de se passer là-bas, évidemment 1905 et tout ce qui va se passer vis-à-vis de la guerre russo-japonaise. On est autour de cette date-là. Et dans cette date-là, eh bien, effectivement, cette puissance japonaise montante dans le Pacifique inquiète ces États-Unis qui, pour l'instant, ne sont peu sortis de chez eux, mais qui, à partir de ce moment-là, vont se poser des questions sur comment faire, justement, pour contrer cette puissance montante. Oui, d'où la nécessité de savoir où en est cette puissance montante, quelles sont ses intentions. Et donc, on va la surveiller d'assez près, on va la regarder d'assez près. On va prévoir, on va mettre en place des plans de guerre pour imaginer ce que serait un conflit contre le Japon. Donc, on va créer ce qu'on appelle le plan Orange, qui sont des simulations de guerre qu'on remettra régulièrement à jour jusqu'en 1941. Et puis, ce plan Orange se met en place parce qu'on considère que l'orange est la couleur de ce Japon vu des États-Unis et... En l'occurrence, on va traquer sur le territoire américain tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir donner des renseignements à ces Japonais dans ces années d'entre-deux-guerres, dans les années 30 en particulier, avec des procès nombreux et très remarquables. Il n'y a pas simplement l'ennemi européen que va être l'Allemagne, parce qu'il y a aussi des procès contre des espions américains qui donnent des renseignements à l'Allemagne, mais il y a aussi des procès contre ceux qui donnent des renseignements au Japon. Et là, ça va faire beaucoup de bruit dans la presse américaine en particulier. Oui. Alors, plus on se rapproche de la guerre, plus le Japon est identifié comme une menace. Après 1937, ça devient assez clair. Et les services qui avaient un peu oublié le Japon, en tout cas qui ne considéraient pas les Japonais ou les Japonais américains comme des ennemis intérieurs jusqu'à une date assez tardive, vont retourner en partie leurs moyens, notamment sur la côte ouest, en direction de la possible subversion japonaise. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous êtes plongé dans une littérature qu'on pourrait appeler une littérature grise. En l'occurrence, cette littérature qui n'est pas très passionnante. Vous nous expliquez au tout début de votre thèse, Alexandre Riosbord, combien il a fallu lire, mais vous y avez visiblement pris du plaisir, puisque ça a duré 10 ans, où il a fallu lire des rapports américains, des rapports du Congrès, des rapports des administrations de la marine, des rapports des administrations militaires, et traquer le renseignement, traquer le secret dans des documents dans lesquels il n'apparaît pas a priori, c'est-à-dire aller chercher dans les marges, dans les coins, parce qu'évidemment, on ne dit pas sur ces documents secrets, il y en a quelques-uns sur lesquels c'est marqué, qui sont conservés, mais la plupart d'entre eux, c'est aller voir dans les couloirs, dans les marges, pour retrouver tout cela, Alexandre Riosbord. Oui, ce qui m'a paru intéressant dès le départ, c'était d'aller voir, de voir comment se mettait en place ce système contemporain du secret, dont un des piliers importants, alors le pilier le plus visible, c'est la loi, qui est la rupture qui permet la légitimité de la confidentialité dans l'État. Mais ce qui était très intéressant, c'était de descendre dans les bureaucraties pour voir concrètement comment ça se passait. Et on se heurte très vite, ce qui explique qu'il n'y ait pas de travaux d'ailleurs, à ce qu'un historien anglais qui s'appelle David Vincent a appelé joliment le secret du secret. Mmh. C'est-à-dire qu'on trouve effectivement beaucoup de documents avec des tampons marqués secret, confidentiel, restreint, etc. Mais rien sur la manière dont ça fonctionne. Mmh. Donc, est-ce que vous cherchiez les confidences involontaires, comme le disait Marc Bloch de ses archives? Je cherchais les confidences, exactement. J'ai cherché dans les correspondances administratives, surtout pour traquer en fait des aveux involontaires des agents et des officiers des services. C'est-à-dire que ce qu'ils cachent dans des documents plus officiels ou qu'ils ont probablement détruits, ils peuvent le laisser passer si on est très attentif dans des correspondances administratives ou pseudo-administratives. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ce type de sens. Alors si on s'approche du sujet lui-même, Alexandre Riosbord, on se dit quel scandale y a-t-il pour qu'un État, certes démocratique, se pose la question de protéger certaines de ces sources pour éviter que des personnages ne puissent s'en emparer, en particulier des ennemis en temps de guerre ou en temps de paix, des ennemis potentiels. Donc vous partez d'une sorte d'anthropologie de l'État, vous réfléchissez à ce que c'est que cet État, pourquoi cet État démocratique américain s'est séparé justement de l'arbitraire des princes d'ancien régime, de la tutelle britannique, et en quoi, à partir d'un certain moment, ils se sont obligés. Il ne peut faire autrement, nous expliquez-vous, enfin en tout cas c'est comme ça que se justifient ces théoriciens de l'État, il ne peut faire autrement que de réinstaurer du secret dans l'État et du secret de plus en plus profond dans cet État. C'est ce que vous nous racontez en fait tout au long de ces années 10 aux années 40, comment progressivement du secret militaire au tout départ, on passe par un secret administratif, que toutes les administrations commencent à se doter de procédures qui sont semblables aux procédures militaires, pour que ça entre au cœur de l'État américain. Je pense qu'il n'y a pas de scandale. Par contre, je pense qu'il y a une tension. C'est-à-dire que comme c'est un régime, la démocratie libérale se fonde comme un régime de publicité dans lequel on va pouvoir contrôler l'action publique parce qu'il y a publicité. Il y a une tension. Et donc, ce qui m'a paru intéressant, c'était de voir comment se résout la tension et comment, dans cette période-là, on arrive à rompre le lien et à passer dans un régime qui est un régime d'opacité partielle. Donc, je ne dis pas que l'ensemble de l'État américain, comme les États contemporains démocratiques, d'ailleurs, passe dans un régime de confidentialité. Simplement, il y a un réarrangement qui va isoler des alvéoles. Et donc, ce qui me paraissait intéressant, c'est de voir comment s'effectue à cette rupture à ce moment-là. Alors, ce qui est passionnant quand on vous lit, c'est qu'en fait, on comprend bien ce qui se passe dans le domaine militaire. Les militaires commencent à mettre en place des services de renseignement pour éviter que des dossiers sensibles ne puissent être communiqués à l'ennemi. Mais ce qui est intéressant, c'est comment cela migre dans d'autres endroits et comment, par exemple, on s'intéresse non plus à l'ennemi extérieur, mais on finit par s'intéresser à l'ennemi intérieur. Et cet ennemi-là, il a plusieurs formes. Ça peut être l'ouvrier qui fait grève en temps de Première Guerre mondiale alors qu'il est chargé de construire des automitrailleuses, des tanks ou d'autres armes pour l'armée américaine. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut le surveiller parce que s'il fait grève, il va empêcher l'approvisionnement du front. Et puis, quand la guerre s'arrête, eh bien, on a commencé à les surveiller, ces ouvriers. Donc, il va falloir continuer à les surveiller, mais dans d'autres conditions sociales et matérielles, etc., etc. Oui, il y a une réflexion sur la nature de la guerre, en fait, qui là aussi intervient plus tôt que ce qu'on a l'habitude de lire, et surtout qui est mis en opération beaucoup plus tôt que ce qu'on a l'habitude de lire. En gros, l'idée, c'est qu'à partir du moment où la guerre est totale, elle engage l'ensemble de la nation, donc elle engage les forces productives, elle engage le moral de la population. Et donc, il faut se préoccuper non seulement de celui qui fabrique des automitrailleuses, mais de celui qui produit du charbon, de celui qui permet d'extraire du pétrole. Donc, on en vient par des séries de raisonnements que je détaille, moi, qu'on ne va pas détailler ici, mais par des séries de spasmes, à finir par englober l'ensemble de la population dans un espace qu'on doit surveiller. Et puis, comme la guerre devient, là aussi, dans l'appareil d'État américain, on en prend conscience avec la Première Guerre mondiale, comme la guerre devient une virtualité permanente, il n'y a plus de raison d'arrêter de surveiller. Oui, mais ça ne se passe pas aussi facilement que ça dans un pays comme les États-Unis. Liberté de la presse, volonté des parlementaires d'empêcher cet empiétement sur les libertés individuelles. Et vous nous racontez aussi cette tension tout au long des années 20, des années 30, cette impossibilité, en particulier pour le renseignement militaire, d'imposer ses vues aussi facilement qu'il le veut, et des discussions infinies à la Chambre pour pouvoir parvenir à ces résultats. Oui, de grosses difficultés, et d'où l'importance de la confidentialité qui permet d'agir malgré l'illégitimité publique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit, il y a relativement peu d'affaires et de scandales dans la période, mais lorsqu'il y a une affaire, on voit très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que les services de renseignement perdent immédiatement les preuves politiques. Autrement dit, ils sont condamnés publiquement, y compris par leur hiérarchie, y compris par eux-mêmes qui, en général, blâment. Leur hiérarchie qui voudrait bien qu'ils parviennent à imposer des lois comme celle-ci ou des pratiques comme celle-ci, mais qui, devant le scandale public, ne peuvent pas faire autrement que de faire dénoncer. Retraite. On est un peu dans Mission Impossible. Le département d'État refusera d'avoir eu connaissance de vos agissements. C'est un peu ça. Il nie d'ailleurs, il nie. Toute la hiérarchie nie jusqu'à l'intérieur des services. En général, c'est un planton local qui est accusé d'avoir dérivé tout seul vers une surveillance politique qu'il n'aurait pas dû effectuer. Mais la réalité, c'est que les preuves bureaucratiques, c'est-à-dire que dès que le scandale s'est éteint, les preuves preuve bureaucratique est gagnée par le service, c'est-à-dire qu'on reprend la surveillance ou on la continue de manière discrète. Alors, vous racontez beaucoup d'histoires donc, de surveillance et puis des procès qui sont liés à ces histoires de surveillance. Il y a celle de Harry Thompson, celle de John Semer Farnsworth. Il y a celle aussi de cette affaire Gorin incroyable où un employé de pressing récupère une veste dans un appartement. Dans cette veste, il y a une enveloppe. Il a malencontreusement, il ouvre l'enveloppe. Il s'aperçoit qu'il y a des noms en japonais, qu'il y a des écritures cyrilliques. Et donc, il va commencer à le dire à sa patronne. Et puis, progressivement, on va découvrir qu'il y a là un réseau d'espionnage aux États-Unis. On est en 1938 et ça va faire grand bruit, par exemple, Alexandre Osborne. Oui, pour retracer très brièvement l'affaire, c'est exactement comme ça que ça démarre, avec un employé de pressing. De l'employé de pressing, on passe à sa patronne. De la patronne, on passe à la police. De la police, on passe à un spécialiste de la surveillance intérieure qui est un retraité des services de renseignement militaire. Et de lui, on arrive au renseignement naval et ça devient un scandale gigantesque. En fait, c'est un employé du consulat soviétique qui obtenait des informations d'un employé non officiel du renseignement naval. Alors, tous les lecteurs de Dashiell Hammett savent combien l'agence Pinkerton a fait pour l'espionnage des ouvriers en particulier, et ceux qui ont lu The Red Harvest, la Moisson Rouge, le savent encore plus que d'autres, puisque lui-même a été employé, Dashiell Hammett, avant d'écrire des romans policiers, comme employé chez Pinkerton. Et on voit aussi se développer ces métiers de la sécurité intérieure, ces métiers qui vont finir, comme dans les séries américaines Homeland ou d'autres, par proliférer. Mais ces métiers de la sécurité intérieure et extérieure qui sont très nombreux, les procédures, vous nous racontez comment se mettent en place les procédures, comment on commence à travailler sur des codes de bonne conduite, pourrait-on dire, de ceux qui espionnent la population américaine, etc., etc., Alexandre Osborne. Oui, absolument. Les services de renseignement, en fait, s'insèrent dans un monde social ou un monde professionnel de la surveillance qui est déjà en gestation. Et on voit très bien les filières d'emploi se mettre en place et exister dans ces années-là, où les gens travaillent indifféremment et au fur et à mesure entre les services de renseignement, la police, les agences de détectives comme les Pinkerton, etc. Oui, et puis on voit aussi comment un récit se met en place, un récit de ces questions d'espionnage, c'est-à-dire le récit par la presse d'un côté, le récit par les agences de l'État de l'autre, qui n'est évidemment pas toujours le même que celui de la presse, mais aussi le récit par la fiction, puisque vous nous racontez que certains, et c'est les ancêtres de ces espions que l'on voit très nombreux aujourd'hui en librairie, espions à la retraite, qui nous racontent leurs souvenirs, certains donc qui ont eu des postes relativement subalternes commencent dès les années 20 à écrire des histoires, à raconter que le président Wilson a tenté d'empoisonner le président Wilson à la conférence de Versailles par exemple, etc., etc., et qu'ils en ont la preuve, et d'une certaine façon rentrent dans un domaine qui est entre fiction et réel autour de ces questions d'espionnage et de renseignement, Alexandre Osborne. Oui, ça n'est pas encore un genre littéraire de premier plan. Ça n'atteint pas le niveau qui est atteint depuis une vingtaine d'années, mais c'est déjà un genre littéraire avec un effet particulier. L'effet de la littérature fictionnelle étant d'autant plus important que le monde lui-même est inaccessible à l'extérieur. L'effet sur la perception de ce métier-là, y compris effet retour, puisque les services de renseignement, lorsqu'ils commencent à développer des formations, demandent à leurs futurs espions ou agents de lire cette littérature. Alors, il y a un passage qui est tout à fait passionnant, parce qu'on l'avait déjà lu sous la plume d'un autre historien, un historien américain, George Chauncey. C'est l'affaire de Newport. Alors, George Chauncey, qui est l'auteur de Gay New York, donc un des premiers livres, disons, sur des études sur l'homosexualité, il y a quelques années de cela, avait utilisé ce même fonds d'archives sur lequel vous travaillez, vous, Alexandre Osborne, d'une façon très différente, puisque lui, c'est une histoire de scandale dans l'armée, dans la Navy, qui est un scandale sur les homosexuels de la Navy dans les années 20, 19 exactement, et vous le lisez d'une autre façon, c'est la façon dont les autorités américaines, et en particulier les autorités de la Navy, ont instauré un processus d'enquête pour savoir quels étaient ces réseaux homosexuels dans cette petite ville de Rhode Island dans laquelle ça se situait. Et donc, vous prenez le même fonds d'archives, mais avec un autre regard, et c'est tout à fait passionnant, Alexandre Osborne. Oui, alors ce fonds d'archives était connu pour les études de George Chauncey comme un matériel formidable sur la vie quotidienne des homosexuels pendant la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai repris cet immense fonds d'archives, cet important fonds d'archives, avec l'œil de ce que c'est aussi, c'est-à-dire une opération clandestine. C'est une opération clandestine qui est menée par l'assistant secrétaire à la marine, qui n'est autre que Franklin Roosevelt. Oui, c'est ça qui est intéressant. Voilà, et l'objectif, c'est de, comme il le dit lui-même, c'est de nettoyer Newport, qui est une immense base navale, qui a grossi très vite pendant la Première Guerre mondiale. 15 à 20 000 soldats, donc marins, en même temps, en 1916 ou 1917. Trop de jeunes garçons, l'envie d'alcool et peut-être l'isolement de leur communauté locale, qui fait que certains d'entre eux se livrent à des actes contre nature, comme on va dire dans les documents de la marine, consommation de drogue et réseau homosexuel, qu'on va essayer de nettoyer en montant une opération clandestine avec les moyens des services de renseignement. Donc moi, ça me permet, bon, au-delà de l'anecdote qui permettait de réveiller mon lecteur au bout de quelques centaines ça sent de pages. Pas. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça a été le cas. Un peu de drogue, un peu de sexe, je me suis dit que ça serait agréable. Au-delà de ça, ça me permettait de montrer comment tout le système d'organisation des services était mis au service, mis en opération pour une opération clandestine. Voilà, le financement par fonds secrets, tout ce qui permet de contourner les procédures habituelles de la marine, en gros. Alors, quand vous avancez dans votre travail, on comprend bien ce que vous voulez faire. La question de la normalisation du secret, le premier point. La deuxième question, c'est l'avènement de ce que vous appelez l'autonomie radicale. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, voilà, comment ces milieux du renseignement, du secret, gagnent-ils cette autonomie? Ça, c'est le cœur de votre travail. Et puis aussi, la conclusion, c'est l'institutionnalisation de la défiance, c'est-à-dire comment, dans une société démocratique où la confiance est théoriquement la règle, eh bien, la défiance finit par s'installer et s'instiller à l'intérieur de toute la population, et en particulier de ceux qui gouvernent et qui ont en charge de surveiller la population, Alexandre Riosborne. Voilà, l'idée, c'était que le retournement final, en quelque sorte, on passait d'une trilogie publicité, contrôle par la population, pacte de confiance démocratique entre la population et son gouvernement, à une autre trilogie qui était opacité, autonomie, défiance. Et la défiance, c'est cette opération, elle se conduit de manière bureaucratique, c'est-à-dire avec des opérations propres à ces services et avec derrière un raisonnement qui est le raisonnement sur la guerre qu'on évoquait tout à l'heure. Comment ne pas devenir paranoïaque quand on travaille depuis 10 ans sur ce sujet-là, Alexandre Riosborne? Parce que c'est une vraie question que je me suis posée, étant donné que vous y décrivez ces mécanismes qui s'insèrent à l'intérieur des populations, avec ces personnages qui vivent la vie de tout le monde, mais qui sont là pour surveiller la population. Comment faites-vous? Alors, j'ai deux réponses. Une réponse intellectuelle, c'est de dire que ça n'épuise pas les relations de l'État à la population, quand même. Surtout à l'époque, ce sont des petits services. Et même aujourd'hui, on peut être rassuré, quand même, vos auditeurs peuvent être rassurés. Il y a toujours un problème d'effectif. Le problème, c'est le nombre de gens qui sont derrière les ordinateurs, les téléphones, etc. Il faudrait un pour un, en fait. Oui, il faudrait presque un pour un. Enfin, maintenant, avec les systèmes informatiques, on peut améliorer le rapport. Donc voilà, je pense que c'est principalement ça, la réponse. On n'est pas paranoïaque, parce qu'on sait qu'ils sont pas très nombreux. Est-ce que vous avez tenté, moi, je me suis dit, ça pourrait être un hoax intéressant, d'insérer dans une thèse comme ça de plus de 1000 pages, de créer votre propre secret au cœur de votre thèse, ou est-ce que vous l'avez pas essayé de le faire au bout du compte? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, vous auriez pu mettre un message secret, quelque chose qui court comme ça tout au long, que le lecteur ne percevrait pas automatiquement, qui serait pour vous, ou pour les lecteurs, disons, avertis, une sorte de joie d'écriture. Ah, je ne me suis pas risqué jusqu'à ça, non. J'ai fait beaucoup de clins d'œil, j'ai essayé de faire des clins d'œil à un lecteur putatif, mais non, je ne me suis pas risqué au secret dans le secret. Merci Alexandre Riosborne. Donc votre thèse, vous venez juste de la soutenir, donc on ne peut pas se la procurer, mais on peut dire que les auditeurs qui nous écoutent, et en particulier les éditeurs qui nous écoutent, auraient intérêt à la lire. Certes, elle fait 1000 pages et j'imagine qu'ils vous demanderont de la réécrire, l'écrire de façon plus courte. En tout cas, elle est très riche d'enseignements, non seulement sur cet État américain en formation dans la première moitié du XXe siècle, mais également sur le modèle que peut être justement cette question du secret à l'intérieur des États et pas simplement les États-Unis. Merci Alexandre Riosborne d'être venu très rapidement, après avoir soutenu votre thèse, nous rejoindre dans la fabrique de l'histoire. Merci à vous. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et à 9h31 sur France Culture, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un que nous connaissons un peu à la Fabrique de l'Histoire, puisqu'il est venu de façon régulière à la Fabrique de l'Histoire, Alban Bensa. Bonjour Alban Bensa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, et vous êtes avec Anaïs Quin qui a préparé cette semaine avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes là parce que vous allez publier bientôt un ouvrage aux éditions Anacarsis qui reviendra sur la guerre de 1917, dont Anaïs avait traité dans un documentaire récent pour la Fabrique de l'Histoire. Grâce à Alban Bensa, d'ailleurs. Voilà. Et donc, cette guerre de 1917 qui se déroule sur les territoires calédoniens et qui met en branle, pourrait-on dire, tout un questionnement autour du récit historique dans cet espace géographique de la Nouvelle-Calédonie. Et ça n'est pas la première fois que vous y réfléchissez, Alban Bensa. C'est pour ça que nous avons plaisir à vous recevoir en ouverture de cette semaine sur le Pacifique, puisque vous avez travaillé depuis longtemps à récolter des vers, à récolter des poèmes, à récolter des contes ou des discussions issues du pays Kanak, et que ces discussions, évidemment, ne rentrent pas toujours en concomitance avec les récits que font les Européens en particulier de ce qui s'est passé dans cette région-là, Alban Bensa. Oui, l'enquête anthropologique, l'ethnographie de terrain en Nouvelle-Calédonie m'a amené très rapidement à recueillir des énoncés, des récits, des histoires relatifs au choc colonial et à la réorganisation des sociétés kanak suite à la prise de possession par la France en 1853 de ce territoire. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une histoire kanak de la Nouvelle-Calédonie, une histoire kanak de la colonisation, et que pour des raisons qu'on peut imaginer, n'a pas été éditée, n'a pas été connue, ces gens n'étaient pas pensés comme des intellectuels organiques qu'ils étaient finalement, comme des lettrés, mais comme de pauvres colonisés, marginalisés. Et donc tout notre travail, en particulier avec le linguiste Jean-Claude Rivière, ça a été de recueillir non seulement cette parole, mais aussi ses écrits en langue kanak, en langue vernaculaire, de la traduire, etc. Et petit à petit, parce qu'au départ, vous savez, les anthropologues ne savent pas qu'ils font de l'histoire. Mais ils croient ils pensent même qu'ils ne font pas du tout d'histoire. Ils pensent même qu'ils ne font pas du tout d'histoire. Ils pensent qu'ils travaillent sur des structures, des fondements, des sociétés humaines, etc. La vieille querelle entre Brodel et Lévi-Strauss. Voilà. Mais en fait, toutes les paroles qu'ils recueillent, tous les écrits qu'ils trouvent sont contextualisés, sont historiquement situés. Et les gens ne vous parlent pas de nulle part, que serait la culture ou je ne sais pas quelle entité mystérieuse, mais ils vous parlent de là où ils sont, de leurs projets, de leur mémoire et des enjeux historiques dans lesquels ils se trouvent. Et dans la marginalisation coloniale, un des modes de résistance, finalement, c'est de se raconter entre soi sa propre histoire dans sa propre langue pour échapper au discours dominant. Anaïs Quin. Oui, parce qu'il y a des conditions de circulation de cette histoire, malgré tout. Moi, quand j'y suis allée, d'ailleurs, sur vos conseils, j'ai rencontré un des co-auteurs de ce livre, Yvon Coromoedo, qui a commencé à me dire, lorsque je l'ai rencontré, je vous ai donné rendez-vous, mais vous savez, tout ça, c'est secret, je ne peux pas vraiment vous en parler. D'accord. 25 heures de voyage, pour m'entendre dire ça, c'était un petit peu compliqué. Et effectivement, on entend bien que cette histoire, pour la comprendre, lorsque finalement Yvon accepte, par exemple, de raconter un épisode, notamment cette guerre kanak de 1917, moi, je n'avais même pas les moyens, finalement, de la saisir. Je l'ai enregistrée, j'ai essayé de décrypter un petit peu, mais j'avais assez peu d'outils, finalement, pour interpréter ce qu'il me racontait. Oui, parce que vous comprenez, quand vous faites de l'histoire dans le monde occidental ou dans le monde français, quand vous dites Versailles, Chartres, Vichy, etc., ça résonne, on voit, on n'a pas besoin de faire des... Mais pour les Kanaks, dans leur propre univers, il y a aussi une toponymie, il y a aussi des noms d'acteurs, des noms de héros, des personnages, dans ces langues, ne sont pas connus, si vous voulez. Du coup, ça paraît mystérieux, mais en fait, on peut arriver à décoder cette grille, cet univers, et s'apercevoir que à leur échelle, eh bien, c'est aussi important que de les négociations que Pointe Apingou, un des leaders de la révolte de 17, qui mourra en prison en 1919, ses propos sont à situer dans un contexte très précis. Que quand il ouvre des négociations, c'est un peu son traité de Versailles à lui qu'il essaye d'élaborer, ou ses accords de Matignon, pour parler plus. Alors, ce qui est très étonnant, Alban Bensa, c'est qu'effectivement, il faut s'entendre déjà sur les termes. Ce travail que vous préparez autour de la guerre de 1917, donc en Nouvelle-Calédonie, cette guerre kanak, eh bien, certains ne l'ont pas appelé pendant très longtemps une guerre, expliquez-vous. Déjà, le hisser au niveau d'une guerre, c'est déjà prendre parti en tant qu'écrivain, en tant qu'anthropologue et historien, et se dire, je me mets du côté de ceux qui pensent que c'est une guerre et que ça n'est pas une révolte comme on l'a longtemps présenté. Et d'ailleurs, je dois cet usage du terme de guerre à Adrian Muckel, qui est un des... Qui est le troisième auteur. Le troisième homme du bouquin. Qui est néo-zélandais, qui est un élève de Bronwyn Douglas, elle-même élève de Dorothy Scheinberg, de toute une tradition historiographique anglophone sur la Nouvelle-Calédonie, et qui a insisté pour dire, mais à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est une initiative qui a été prise par les Kanaks pour protester contre les abus, d'abord fonciers, coloniaux, mais aussi contre le recrutement forcé pour aller se battre à la guerre de 14. Et donc, c'est une guerre. Mais c'est vrai que pendant longtemps, moi-même, j'appelais ça les événements, parce que les quelques travaux qui existaient sur cet événement de 17 étaient considérés comme un événement mineur. Pourquoi c'était considéré comme un événement mineur ? Parce que... on ne veut jamais donner crédit aux colonisés de la qualité ou de la force de son initiative, et on ne veut pas entendre ce qui était dit en 17, qui était en fait une revendication de citoyenneté qui était proposée par les Kanaks, qui leur a été complètement refusée en les repoussant dans la sauvagerie. On a dit que c'était la queue du cyclone, que c'était le retour du paganisme, que c'était une sorte de fin de régime de la tradition, alors qu'en fait c'était une initiative éminemment moderne lancée par les leaders de 1917. De toute façon, cette guerre de 1917, c'est une guerre éminemment moderne de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a un art de la guerre actualisé du côté kanak, et des outils de guerre, des stratégies de guerre, des méthodes de guerre du côté du colonisateur, puisées directement dans les innovations des tranchées européennes. Et donc, on a une guerre éminemment moderne, finalement. On n'est pas du tout dans un spasme réactionnel et résiduel d'une mauvaise digestion de la colonisation. Pas du tout. On va retrouver les mêmes armes, les mêmes fusils. On va retrouver les colonnes mobiles, parce qu'en même temps, c'est une guerre moderne, mais coloniale. Les guerres coloniales ont un avantage, elles ne sont pas très risquées pour la France. Elles ne sont pas très risquées. Et donc, y a une construction là, qui est faite de la guerre coloniale. Et pourtant, il y a des témoignages, et un d'entre eux, vous l'analysez dans le livre à paraître bientôt, c'est au mois de mars aux éditions Anacarsis, c'est un poème de 1919, je crois, une poésie de 1300 vers, dites-vous, qui raconte cette histoire-là. Donc, c'était présent immédiatement après les événements, 2 ans après les événements, c'était là. Et pourtant, tous les gens qui travaillaient sur la Nouvelle-Calédonie ne l'avaient pas véritablement vu, Alban Bensa. Non, d'abord parce que cette poésie, enfin, il y a deux poésies, il y en a une purement orale qui fait 600 vers, puis l'autre qui fait à peu près 700 vers, celle dont vous parlez, du poète Mweku Apoma. Et ils rédigent à deux une sorte de récit poétique en vers de 8 pieds, puisque traditionnellement c'est comme ça qu'on s'exprimait, qui raconte tout l'ensemble des opérations, mais ça avait complètement échappé, parce que c'est en langue vernaculaire. D'abord, on a longtemps considéré, les anthropologues aussi, que tout devait être oral, et donc on ne s'a pas pris attention à ces écrits. Ces écrits sont difficiles, c'est écrit en langue vernaculaire, il faut faire des traductions, etc. Et puis parce qu'on a sous-estimé la capacité des Kanaks à penser leur propre histoire, en parlant de conscience mythique, de pensée mythique, etc., toutes sortes de fantaisies incroyables. Et du coup, on n'a pas vu que, en fait, le terme d'ailleurs qui veut dire poésie, c'est ténon, enfin qu'on traduit par poésie ou poésie-récit, en fait ça veut dire la nouvelle. C'est pour échanger des nouvelles. Il y a d'autres endroits du Pacifique comme ça, on échange des nouvelles en faisant des petites chansons, des poésies, etc. C'est-à-dire on formalise l'événement dans un texte très, très travaillé. Et là, ils ont en quelque sorte, relater l'ensemble des opérations. Alors, ce texte-là, cette poésie-là, elle est écrite par des gens qui vont aider les Français dans la répression, hein, c'est-à-dire par des auxiliaires, la chefferie auxiliaire qui va participer à la répression. Mais on est frappé de voir qu'ils vont mêler dans leur composition, ils vont mettre 2 ans à écrire ce texte, paraît-il, ils vont mêler à la fois l'expérience de la répression de 1917, mais aussi l'expérience de la guerre de 14. Et l'expérience de la guerre de 14 avec les avions, les bombardements, etc. Qu'ils ont connus. Certains les avaient connus et donc étaient revenus. Et à ce moment-là, les deux guerres, si vous voulez, vont donner naissance à une sorte d'innovation poétique sans précédent. Ce texte est absolument nouveau, si vous voulez. Il donne naissance à un art poétique nouveau, parce qu'il faut se donner des moyens langagiers nouveaux pour penser cette situation. Alors, il y a tout un aspect diplomatie internationale. On parle de Batavia, on parle de Sydney, on parle de Paris, on parle de l'arrivée des armes. On parle de Guillaume. On parle de Guillaume, de Poincaré. Et cette prise en charge, on parle de l'électricité, du caoutchouc, de l'arrivée de la modernité. Et d'ailleurs, dans un des poème, il est écrit « Apportez-nous le caoutchouc, donnez-nous l'électricité, etc. » C'est-à-dire cette volonté qui était très forte à l'époque et qui est attestée aussi par les interrogatoires des rebelles de 1917 qui ont été interrogés à Nouméa, cette volonté de participer, si vous voulez. Et là, ça a été complètement manqué par, disons, l'historiographie locale qui ne s'est absolument pas rendu compte que ces sauvages en fait, étaient des historiens avec quelque chose à dire. La semaine dernière, on était sur la question de l'art abstrait, de ce que la Première Guerre mondiale avait fait à l'art abstrait. On a parlé beaucoup de Dada. Il faudrait mettre sur le même plan ce poème-là, par exemple, par rapport au poème Dada. C'est-à-dire, d'une certaine façon, comment la guerre a changé un récit, non pas traditionnel, un récit habituel, littéraire. Oui, tout ce travail que je mène depuis des années m'a amené à relire Apollinaire. Il y a quelque chose comme une invention poétique, une invention narrative, une langagière littéraire qui est liée à ce changement de paradigme qu'est l'entrée des Kanaks dans la guerre de 14. Anaïs Kien. Et cette innovation littéraire, c'est aussi un moyen, une méthode de transmission, de finalement d'usage de ce qu'on va faire de cette défaite originelle tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui. Oui, alors là, ça a été une défaite, cette guerre de 17. Et les chefs ont été... Et un massacre. Et un massacre, il y a eu plusieurs massacres, plein de petits wounded knee partout. Et à ce moment-là, les Kanaks vont changer de stratégie. Les survivants vont changer de stratégie. Et ils vont se rassembler autour de la mémoire, autour de l'écriture et former une sorte de caste de lettrés en attendant des jours meilleurs, si vous voulez. Et ce qui a été tout à fait touchant et frappant, c'est d'abord qu'ils vont donner ces textes à Maurice Lénard, qui est le pasteur qui leur a permis d'accéder à l'écriture, et ils écrivent dans leur propre langue, et Maurice Lénard les encourage à écrire dans leur propre langue. Ils vont recopier encore, conserver ces écrits, ou se réciter, garder en mémoire toute cette histoire recomposée dans des poésies. Et lorsque les premiers chercheurs après-guerre arrivent, les chercheurs du CNRS, Audrey Court, Guillard, Jean-Claude Rivière, etc., vont arriver, et moi ensuite, les gens vont venir vers nous pour nous transmettre cette mémoire comme un véritable trésor, si vous voulez. Et c'est très intéressant parce que cette génération qui va de 1920 à 1950, eh bien, ce sont les parents de Jean-Marie Tjimbaou, de Yewene, et des indépendantistes d'aujourd'hui, du mouvement qui va éclore dans les années 80. Ouais, Jean-Marie Tjimbaou qui disait en fait que eh bien, ça avait calmé les gens pour longtemps. Enfin, la volonté du colonisateur, c'était dans la façon de maîtriser cette guerre de 1917 en Nouvelle-Calédonie, c'était de calmer les gens pour longtemps. Oui, d'autant que Jean-Marie Tjimbaou avait perdu une de ses tantes dans la guerre de 17, et pour Tjimbaou, la référence, c'est 1917. Et puis la répression était d'une violence inouïe. Je crois qu'on utilise le lance-flammes, qu'on utilise finalement de moins en moins dans les tranchées, et qu'on utilise de plus en plus en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est-à-dire que c'est toute une imagerie aussi de la sauvagerie. On incite les auxiliaires kanaks à commettre des exactions pour se convaincre que les kanaks Kanaks sont sauvages, si vous voulez. Ça, ça a été très bien montré par Adrian Meukel. Alors, ce qui est fort intéressant dans cette tentative et ce glissement vers l'histoire d'Alban Binsa, mais ça fait déjà longtemps que vous l'avez entamé, ce glissement vers l'histoire d'Alban Binsa, c'est toute la tentative, vous citez Romain Bertrand, l'histoire à parts égales, de mettre en place une histoire équitable, dites-vous. C'est le temps est venu d'une histoire équitable, justement, une histoire qui ferait émerger les autres récits de ce qui s'est passé dans cette région pacifique, plutôt que les récits qu'on connaît très bien, qui sont les récits de ceux qui y sont arrivés en venant d'Europe. Ben oui, je crois que dans le processus général de rééquilibrage qui avait été tant chanté par Rocard après les événements de la Nouvelle-Calédonie, dans les années 90, il est temps que les Océaniens donnent leur point de vue, leurs propres analyses de ce qui leur est arrivé et que ça ne reste pas un seul discours académique européen, australien, français, etc. Et c'est vrai qu'une histoire équitable, c'est une histoire qui fait place à l'expérience historique telle qu'elle a été transmise dans ce milieu kanak. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette marge, justement, entre l'histoire telle qu'elle est racontée habituellement et cette nouvelle histoire que l'on voit poindre, justement, quand on écoute et quand on relit ces documents de façon nouvelle, Alban Binsa? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux, justement? Quelle est la tension que l'on peut déterminer entre ces deux types de récits? Je crois que la tension qu'on peut noter, c'est que dans l'histoire kanak de la colonisation, la place qui est faite aux initiatives et à la pensée portée par un certain nombre de personnages, si vous voulez. C'est une histoire... ce qu'on appelle en anglais la agency. Donc voilà, ça se recentre sur les acteurs. Les acteurs qui ont leur propre capacité d'initiative, voilà, malgré l'imposition d'un nouvel ordre. Voilà, c'est cette capacité d'initiative et d'initiative créatrice et éventuellement même de se critiquer entre eux. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y ait une école historique kanak, il y a plusieurs points de vue, si vous voulez. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. Alors que du côté occidental, à partir uniquement des archives, on a tendance à tout repousser dans une sorte de collectif. Les Kanaks ont fait ceci, les Kanaks ont fait cela. Alors qu'à l'intérieur de ce monde, certains étaient christianisés, d'autres ne l'étaient pas. Certains étaient inscrits dans des chiffrés administratifs qui avaient été installés par la France. D'autres étaient encore dans des chiffrés claniques beaucoup plus mobiles, dans un univers segmentaire plus fait de réseaux de relations et plus fragmentés, si vous voulez. Et il est important de voir qu'il y a plusieurs points de vue kanak sur l'histoire kanak, comme il y a chez nous, il y a plusieurs historiens de la Révolution française. Par exemple, Anaïs Kier. Oui, puis il y a même plusieurs points de vue européens sur cette guerre, puisqu'on a à la fois en présence les militaires, les militaires qui sont restés en poste, ceux qui reviennent du front de la Grande Guerre. On a également les broussards qui vont, pour certains, payer de leur vie cette guerre. Les broussards, donc, sont les colons territoriaux, ceux qui occupent les colonies lointaines. Et encore après, on a les chroniqueurs qui racontent de très loin, de Nouméa, ce qui a pu se passer dans cette région qui est au nord de Nouméa, à peu près à une centaine de kilomètres, hein, si je me trompe pas. 300 kilomètres. Donc on a une multiplicité d'acteurs, une multiplicité de récits, mais qu'on a du mal finalement à rassembler et peut-être à croiser pour comprendre. Finalement, pour écrire véritablement une histoire de cette sacrée guerre de 1917. Alors, c'est tout le problème de l'histoire coloniale. On a la même chose en Algérie. C'est-à-dire que... Il y a des Algériens aussi, d'ailleurs, dans cette histoire de guerre de 1917. Il y a des Algériens aussi. C'est-à-dire, peut-on arriver à un récit unique sur lequel... Ou faut-il, au contraire... Oui, faut-il, au contraire, considérer qu'il y a des récits concurrents, si vous voulez, sans essayer d'en faire une synthèse. Et c'est plutôt vers cette solution que s'oriente notamment l'historiographie australienne et néo-zélandaise. Alors que dans le modèle français, il faut dire qu'il y ait l'histoire de France, si vous voulez. Mais en fait, l'histoire coloniale, elle est vécue par des groupes différents, dans des contextes différents, et elle est racontée différemment. Mais vous comprenez bien combien ça va à l'encontre d'un certain type de récit historique que certains voudraient voir remis sur le devant de la scène. Une histoire unifiée, une histoire avec des manuels qui disaient tous la même chose, d'une certaine façon. Qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes. Voilà, et qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes sur ce qui s'est passé. Or, là, en l'occurrence, ce que vous nous dites, Alban Binsa, c'est qu'il faut conserver cette variété, cette diversité. C'est ça la richesse de ce type de récit. Je pense que oui, puis c'est peut-être aussi le moyen qu'aucun récit n'écrase l'autre. Et dans une situation comme celle de la Nouvelle-Calédonie contemporaine, où chaque communauté tire la couverture à soi, etc., il faut arriver à entendre le récit de l'autre sans nécessairement y souscrire, si vous voulez. Il faut arriver à une sorte de polyphonie acceptée, respectée, sans qu'il y ait un récit unique. Et ça, je crois que c'est important. Ça veut donc dire quand même que vous parlez d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que cette histoire, elle s'écrit aujourd'hui. Elle ne s'écrivait pas de la même manière il y a 30 ou 40 ans. Et c'est le contexte contemporain de la Nouvelle-Calédonie contemporaine qui fait émerger cette possibilité d'une histoire à plusieurs voix, une histoire à parts égales, une histoire équitable, qui laisse sa place à chacun d'une certaine façon. Et qui même, selon vous, est nécessaire. C'est dans ce contexte-là, c'est ce qui est nécessaire. Oui, alors je pars de documents qui sont plus anciens, 1919, etc. J'essaye de montrer comment il y a eu une sorte de feuilletage de la mémoire et comment aujourd'hui cette mémoire est ressaisie dans le contexte, disons, du mouvement nationaliste kanak depuis les années 80, avec des commémorations, avec, par exemple, les guerriers de 1917, ceux qui ont initié cette guerre de 1917, n'étaient pas des indépendantistes. Au sens, voilà, vous voyez, ils proposaient, ils protestaient contre un système colonial indigénat qui était extrêmement dur, ils voulaient récupérer des terres, ils voulaient participer, ils parlaient français, ils écrivaient, etc. Et aujourd'hui, c'est relu dans un nouveau contexte. Et d'ailleurs, quelle a été peut-être l'appropriation par la Nouvelle-Calédonie des commémorations du centenaire de cette Première Guerre mondiale. Est-ce que du côté kanak, du côté des mouvements kanak, alors qu'on est dans cette période un peu floue où on devrait organiser un référendum sur la question de l'autonomie et que pour le moment on n'en entend pas vraiment parler, comment se sont appropriés les Calédoniens ce centenaire et du coup également bientôt ce centenaire de cette guerre de 1917. Est-ce qu'on a vu là des moments de radicalisation? On a vu des moments... discours commun. De discours commun, on en a, pourrait le regarder de très près, mais une commémoration en 2009, le maire de Koné, descendant d'un guerrier, dit « Nous avons lutté contre le colonialisme français, mais avec les Blancs de Nouvelle-Calédonie, nous avons lutté contre le colonialisme allemand. » Donc, si vous voyez, là, il y a une main tendue magnifique. ce qui est aussi fort passionnant, c'est de se dire que d'un seul coup, alors que la bascule, dit-on, est en train de se faire du côté du Pacifique, que l'Europe et l'Atlantique sont en train de devenir, c'est ce qu'on imagine pour les années à venir, marginalisés par rapport à un Pacifique qui deviendrait le nouveau cœur du monde, c'est de se dire que ces histoires que vous nous racontez vont être le cœur de l'histoire de ce nouveau monde, d'une certaine façon, parce que simplement, il va y avoir une prédominance de l'histoire chinoise, de l'histoire japonaise, de l'histoire calédonienne, de l'histoire australienne, peut-être dans les années, les 50 années à venir, par rapport à une vieille, entre guillemets, histoire européenne. Oui, là, je pense qu'il y a une ouverture, disons, dans une pluralité de mémoires qui va pouvoir coexister, peut-être dans un monde plus équilibré où le Pacifique ne sera pas relégué à l'extrême et dans l'exotisme le plus total, mais apparaîtra comme majeur, en quelque sorte, dans le dialogue entre les civilisations. Merci, Alban Massa, d'être venu nous présenter cet ouvrage qui, rappelons-le, ne paraîtra que dans 3 mois maintenant. Oui, ou plus tard. Ou plus tard, donc d'ici le mois de mars, aux excellentes éditions Anacharsis. Et ça s'appellera La guerre de 1917. Oui, Les sanglots de l'aigle pêcheur, la guerre de 1917 en Nouvelle-Calédonie. Merci donc d'être venu pour ouvrir cette semaine consacrée au Pacifique. Alors, on l'a compris, vous allez traiter, Anaïs, avec nous toute la semaine de cette question, de cet espace géographique du Pacifique, et en particulier dès demain, on va revenir sur le Japon et la Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, ce mélange particulier dû à la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors non, un mélange qui n'est pas dû à la Seconde Guerre mondiale, qui est dû à l'exploitation minière des travailleurs japonais, enfin des contrats passés entre les États japonais, les travailleurs japonais et l'État français en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle, qui a amené des travailleurs, des hommes japonais à s'installer en Nouvelle-Calédonie et à rencontrer des femmes kanak et puis des femmes européennes, à avoir des enfants. Et ces hommes seront expulsés en 1941, au moment de l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon, expulsés et n'auront jamais l'autorisation de revenir en Nouvelle-Calédonie. Donc on a rencontré quelques-uns de ces enfants, de ces orphelins métis, de pères japonais qui ont aujourd'hui entre 80 et 90 ans et qui racontent à la fois ce traumatisme de la séparation, cette identité très métisse, très complexe dans cette société calédonienne déjà très complexe, et qui nous raconte un petit peu leur histoire et leur destin. Un extrait donc de ce que vous avez enregistré sur place en Nouvelle-Calédonie. Voilà son petit taxi qu'il avait emprunté volontairement pour acheter là. Et cette petite maison au quartier latin, elle est toujours là. Hein. Et on vous voit, vous, sur cette photo? Oui, c'est oui, là derrière. Voilà mes trois sœurs, puis moi, là, voilà le gros balèze derrière. Ah oui, c'est le nom des personnes qu'il y a derrière. 1932, au quartier latin. Ouais, j'avais quel âge? 8 ans. Après l'armistice, c'est le gouvernement français qui a refusé que les Japonais reviennent en Calédonie. Moi, je pense qu'ils auraient dû autoriser ceux qui avaient de la famille. C'était la moindre des choses. C'est ce que je reproche à la France, sincèrement, hein, de ne pas avoir envoyé le père. Ouais. Mes grands-pères sont rentrés au Japon. Et c'est ce qui a fait un petit peu mon militantisme, c'est que je n'ai jamais réussi à trouver la branche de mon grand-père paternel. En 2003, quand j'ai vu sur les journaux que Marie-Jo a projeté de faire un voyage avec les personnes qui allaient chercher leurs parents. En Australie? Oui, et je suis allée là. Et là-bas. Là-bas, bien sûr, on est allé voir tous les endroits où ils ont vécu. Ils ont vécu dans une très grande prison. Bien sûr, on est passé au cimetière là-bas. Quand j'ai vu sa plaque là, c'était comme si que je le trouvais là devant moi. Vous savez, ça m'a fiché un choc terrible. Voilà, donc on pourra écouter ce documentaire que vous avez signé avec Françoise Camard demain dans la Fabrique de l'Histoire, entre 9h05 et 10h. Et mercredi et jeudi, on continuera cette histoire du Pacifique. Alors, on s'attaque au Pacifique. Et donc, mercredi. À mon avis, on pourrait revenir d'autres fois parce que c'est assez grand le Pacifique. Oui, je pense qu'on aura de quoi faire. Et donc mercredi, on va ouvrir les portes peut-être évidentes pour cette première semaine consacrée au Pacifique dans la Fabrique de l'Histoire. Mercredi, donc, on s'intéressera à la guerre du Pacifique, la Seconde Guerre mondiale, le Pacifique dans la Seconde Guerre mondiale. Et jeudi, on s'intéressera au partage du Pacifique entre le XVIe et le XIXe siècle, oui, entre les grands empires coloniaux. Ce qui peut intéresser d'ailleurs nos amis qui préparent les concours, puisque je crois qu'un des sujets du concours de l'agrégation, c'est justement l'Espagne et le monde. Et l'Espagne est venue jusque dans cette partie du monde, en particulier au XVIe et XVIIe siècle. Ça sera donc le thème de notre émission de jeudi dans la Fabrique de l'Histoire avec vous, Anaïs Quin. Merci. Voilà, nous vous avons parlé aujourd'hui de deux travaux en cours que vous ne pouvez pas encore lire, donc d'Alexandre Riosbord et de sa thèse sur le secret aux États-Unis entre 1911 et 1941, mais également du livre que Alban Massa prépare justement pour les éditions Anacarsis autour de la guerre de 1917 en Nouvelle-Calédonie. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Anthony Thomasson était à la technique et Françoise Camard à la réalisation.